Chapitre 32. Quand je revins dans ma chambre lui dire qu'on allait le mettre au fer, je le trouvai assis sur mon lit, les poings fermés, les dents serrées de rage. Sa mauvaise tête de breton avait pris le dessus. En frappant du pied, il déclara qu'il n'irait pas, c'était trop injuste. À moins qu'on ne l'y portât de force, et encore il démolirait les premiers qui viendraient pour le prendre. Alors, pour tout de bon, je le vis perdu, et l'angoisse commença à m'éteindre le cœur. Que faire ? Les hommes de garde étaient là, derrière ma porte, attendant pour l'emmener, et je n'osais pas ouvrir. Les secondes et les instants s'envolaient, et ce que je faisais n'avait plus de nom. Une idée me vint tout à coup. Je le priai très doucement, au nom de sa mère, lui rappelant mon serment, et pour la seconde fois de ma vie, l'appelant mon frère. Yves pleura, c'était fini, il était vaincu et docile. Je jetai de l'eau sur son front, je rajustai un peu sa chemise, et j'ouvris ma porte. Tout cela n'avait pas duré 3 minutes. Les hommes de garde parurent. Lui se leva et les suivit, doux comme un enfant. Il se retourna pour me sourire, alla répondre avec calme à l'interrogatoire du commandant, et se rendit tranquillement à la cale pour se faire mettre au fer. Vers minuit, quand ce quart pénible fut terminé, j'allai me coucher, envoyant à Yves une couverture et mon manteau. Il faisait déjà très froid cette nuit-là. C'était dans mon impuissance tout ce que je pouvais encore pour lui. Chapitre 33. Le lendemain, un lundi, le commandant me fit appeler dès le matin, et j'entrai chez lui avec un sentiment de rancune dans le cœur, avec des paroles âpres, toutes prêtes, que je lui aurais lancées dès l'abord pour me venger de mes supplications d'hier, si je n'avais craint d'aggraver le sort d'Yves. Je m'étais trompé, cependant. Il avait été touché la veille et m'avait compris. « Vous pouvez aller trouver votre ami, sermonnez-le un peu tout de même, mais dites-lui que je lui pardonne. L'affaire ne sortira pas du bord et se réglera par une simple punition disciplinaire. 8 jours de fer et ce sera tout. J'inflige aux 3 maîtres sur votre demande une punition équivalente, 8 jours d'arrêt forcé. Je fais cela pour vous, qui le traitez en frère, et pour lui aussi qui êtes, après tout, le meilleur homme du bord. Et je m'en allais autrement que je n'étais venu, emportant pour lui de la reconnaissance et de l'affection. » Chapitre 34. Un coin de la cale de la Médée en plein désarmement, dans le plus grand désarroi. Un fanal éclaire à vaste fouillis d'objets hétérogènes, plus ou moins grignotés par les rats. Une douzaine de matelots, Barada, Ghiaberi, Barazer, le Hello, toute la bande des amis, entourent un homme couché par terre. C'est Yves qui est au fer, étendu sur les planches humides, la tête appuyée sur son coude, le pied pris dans l'anneau à cadenas de la barre de justice. Son ennemi, le plus acharné des trois, maître Lagatut, est devant lui, qui le menace avec sa vieille voix d'ivrogne. Il le menace d'une revanche de cette histoire de chaloupe, dans laquelle à son gré j'ai trop mis la main. Il a quitté ses arrêts pour venir l'injurier. Et moi, qui suis de quart et qui fais une ronde, j'arrive par derrière et je le trouve là, comme il est de bonne prise. Les matelots qui me voient venir rient tout doucement dans leur barbe, en songeant à ce qui va se passer. Yves, lui, ne répond rien, se contentant de se coucher sur l'autre côté et de lui tourner le dos avec une suprême insolence. Lui aussi m'a vu venir. « Nous avons commencé une partie d'écartés ensemble, » dit maître Lagatut. « Vous, Kermadec, quartier maître de manœuvre, moi, Lagatut, premier maître canonnier, décoré de la Légion d'honneur. Grâce à des officiers qui vous protègent, vous avez fait les 2 premières levées. Reste à savoir qui va faire les 3 autres. « Maître Lagatut, » dis-je par derrière, « nous jouerons cela à 3. » Si vous voulez bien, un Rams, ce sera plus gai. Et toi, mon bon Yves, marque encore une levée. Une poule qui trouve un couteau, un voleur qui trébuche sur un gendarme, une souris qui, par mégarde, pose la patte sur un chat, n'ont pas la mine plus longue que maître Lagatut. Ce n'était peut-être pas très correct, cette plaisanterie que je venais de faire, mais la galerie, qui nous était très sympathique, jouissait beaucoup de ce triomphe d'Yves. Chapitre 35. 8 jours après, c'était fini de notre frégate, désarmée au fond de l'arsenal, son équipage dispersé, autant dire navire mort. Je m'en allais et Yves venait m'accompagner au chemin de fer. La gare était encombrée de matelots, tous ceux de la Médée qui partaient aussi, d'autres encore embordés, venus pour les reconduire. Parmi eux, beaucoup d'anciennes connaissances à nous, des protégés, des amis d'Yves. Et tous ces braves gens, un peu gris, mettaient bas leurs bonnets, nous faisant leurs adieux avec effusion. C'étaient les scènes habituelles de tous les désarmements. Un bateau qui finit, c'est quelque chose à part. c'est l'explosion de toutes les reconnaissances et de toutes les rancunes, de toutes les haines et de toutes les sympathies. À l'entrée des salles d'attente, en serrant les mains d'Yves, je lui disais « M'écriras-tu au moins ?» Et lui répondait « Je vais vous expliquer. » Et il hésitait toujours avec un sourire doux et intimidé. « Eh bien voilà, je vais vous expliquer. C'est que je ne sais pas comment vous mettre au commencement. » En effet, les appellations de capitaine, cher capitaine et autres du même genre ne pouvaient plus nous aller. « Alors quoi ?» je répondis. « Eh bien, mais c'est très simple. » Et je cherche longtemps cette chose simple, ne trouvant pas du tout. « C'est très simple, tu mettras mon frère. Ce sera vrai d'abord, et en style épistolaire, ce sera très convenable. » Chapitre 36. Il y avait environ 6 semaines que la Médée avait été désarmée à Brest, et que j'étais séparé d'Yves. Quand un jour, à Athènes, je crois que je reçus cette surprenante lettre. Brest, 15 septembre 1877. Mon bon frère, je vous écris ces quelques mots bien à courir, pour vous faire savoir que je me suis marié hier, et ma foi, j'aurais bien pu vous demander conseil auparavant. Mais vous comprenez, je n'avais pas du tout de temps à perdre, étant désigné pour faire la campagne de la Cornélie, et n'ayant que 8 jours devant moi à passer avec ma femme. Je pense que vous trouverez vous aussi, mon bon frère, que cela vaut bien mieux que d'être toujours à courir, comme vous savez, d'un bord et de l'autre. Ma femme s'appelle Marie Kéréménène. Je vous dirai qu'elle me plaît beaucoup, et je crois que nous irions très bien ensemble, si seulement je pouvais rester. Je vous écrirai un peu plus long avant de partir, mon bon frère, et je vous promets que je suis bien triste de m'embarquer cette fois sans vous. Je termine en vous embrassant de tout mon cœur. Votre frère qui vous aime, à vous, Yves Kermadec. Post-Christum, je viens d'apprendre que ma destination est changée. J'embarque sur l'Ariane, qui ne part qu'à la mi-novembre. Cela me donne près de 2 mois à passer avec ma femme. Nous aurons tout à fait le temps de faire connaissance, et vous pensez que je suis bien content. Au retour de leur campagne, les matelots font 1000 extravagances avec leur argent. C'est de règle. Les villes maritimes connaissent leurs excentricités un peu sauvages. Quelquefois même, ils épousent, en manière de passer temps, des femmes quelconques, pour avoir une occasion de mettre une redingote noire. Et Yves, lui, qui avait déjà épuisé autrefois tous les genres de sottises, pour changer, avait fini par un mariage. Yves marié, et avec qui, mon Dieu? Peut-être quelque effronté de la ville, ramassé au hasard dans un moment où il était gris. J'avais sujet d'être très inquiet, me rappelant certaines créatures en chapeau à plumes qu'il avait failli épouser par distraction à 20 ans dans cette même ville de Brest. Chapitre 37. 2 mois plus tard, quand cette Ariane fut prête à partir, le sort voulut que je fusse désigné moi aussi à la dernière heure pour faire partie de son état-major. Chapitre 38. Au moment du départ, je vis cette Marie Kéréménène, que j'appréhendais de connaître. C'était une jeune femme d'environ 20 ans, qui portait le costume du village de Toulven, en Basse-Bretagne. Ses beaux yeux noirs regardaient clairs et francs. Sans être absolument jolie, elle était presque charmante avec son corsage de drap brodé, sa coiffe blanche à grandes ailes, et sa large collerette rappelant les fraises à la Médicis. Il y avait en elle quelque chose de candide et d'honnête qu'on aimait à regarder. Il me parut que je l'aurais précisément désiré, ainsi que si j'avais été chargé de la choisir moi-même pour mon frère Yves. Chapitre 39. Le hasard les avait rapprochés tous deux un jour qu'elle était venue voir sa marraine à Brest. Le galant avait été vite en besogne, et elle, séduite par le grand air d'Yves, par son bon sourire doux, s'était laissée aller, avec une certaine inquiétude cependant, à ce mariage précipité, qui allait pour commencer la faire veuve pendant 7 ou 8 mois. Elle avait un peu de bien, comme on dit à la campagne, et devait s'en retourner aussitôt après notre départ chez ses parents, dans son village de Toulven. Yves me confia qu'on prévoyait l'arrivée d'un petit enfant. « Vous verrez, dit-il, je parierai qu'il arrivera juste pour notre retour. » Et il embrassa sa femme qui pleurait. Nous partîmes. Encore une fois, nous nous en allions ensemble, nous promener là-bas dans le domaine bleu des poissons volants et des dorades. Chapitre 40. 15 novembre 1877. La veille de ce départ, Yves avait obtenu par faveur d'aller à terre dans le jour pour voir à l'hôpital maritime son grand frère Gildas, le pêcheur de baleines, qui venait d'arriver à moitié perdu et qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans. Gildas Kermadec était un homme de 40 ans, de haute taille, la figure plus régulière que celle d'Yves. On voyait encore dans ses grands yeux comme une flamme éteinte, Il avait dû être très beau. Il était paralysé et mourant, perdu par l'eau-de-vie et les excès de tout genre. Il avait usé sa vie à plaisir, semé sa sève et ses forces sur tous les grands chemins du monde. Il avança lentement, appuyé sur un bâton, encore droit et cambré, mais traînant la jambe et le regard égaré. « Oh, Yves !» dit-il par trois fois. « Oh, Yves ! Oh, Yves !» C'était à peine articulé. La parole était aussi paralysée chez lui. Il ouvrit les bras à Yves pour l'embrasser, et des larmes coulèrent sur ses joues brunes. Yves aussi pleura, et puis vite il fallut partir. La permission qu'on lui avait donnée n'était que d'une heure. Du reste, Gildas ne parlait plus. Il avait fait asseoir Yves près de lui sur un banc d'hôpital, et lui tenant la main, il le regardait avec ses yeux de fou, prêt de mourir. D'abord, il avait bien essayé de lui dire plusieurs choses qui semblaient se presser dans sa tête, mais il ne sortait de ses lèvres que des sons inarticulés, rauques, profonds, qui faisaient mal à entendre. Non, il ne pouvait plus. Alors il se contentait de lui tenir la main et de le regarder avec une tristesse infinie. Yves emporta une impression profonde de cette entrevue dernière avec son frère Gildas. Il ne s'était revu que deux fois depuis que Gildas était parti pour la mer, mais ils étaient frères, frères de la même chaumière et du même sang, et c'est là quelque chose de mystérieux, un lien qui résiste à tout. Un mois plus tard, à notre première relâche, nous apprîmes que Gildas était mort. Alors Yves mit une crêpe à sa manche de laine. Chapitre 41. À bord de l'Ariane, mai 1878. L'île de Tenerife se dessinait devant nous comme une sorte de grand édifice pyramidal posé sur une immense glace réfléchissante qui était la mer. Les côtes tourmentées, les arêtes gigantesques des montagnes étaient rapprochées, rapetissées par la limpidité extrême, invraisemblable de l'air. On distinguait tout, les angles vifs un peu rosés, les creux un peu bleus, et tout cela posait sur la mer comme une grande découpe légère, sans poids. Une bande très nette de nuages, d'un gris nacré, coupait Tenerife horizontalement par le milieu, et au-dessus le pic dressait son grand cône baigné de soleil. Les goélands faisaient un tapage extraordinaire autour de nous. Ils étaient une bande qui criait et battait l'air de leurs ailes blanches, dans un de ces accès de frénésie qui les prend quelquefois on ne sait à quel propos. Midi. Le dîner de l'équipage venait de finir. On avait sifflé, les tribordais à ramasser les plats. Et Yves, qui était tribordé à bord de l'Ariane, remontait sur le pont et venait à moi, essayant tout doucement son sifflet, pour s'assurer s'il marchait toujours bien. « Mais qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui, les goélands? Piaulés, piaulés, tout le temps du dîner, avez-vous entendu ?»« Vraiment non, je ne savais pas ce qu'ils pouvaient bien avoir, les goélands. » Cependant, comme il fallait, par politesse, répondre quelque chose à Yves, je lui racontais à peu près ceci. Ils ont demandé à parler à l'officier de quart qui était précisément moi. C'était pour s'informer de leur petit cousin Pierre Kermadec. Alors je leur ai répondu, « Messieurs, le petit Pierre Kermadec, mon filleul, n'est pas encore né, c'est trop tôt. Repassez dans quelques jours quand nous serons à Brest. » Ainsi, tu vois, ils sont partis. Regarde-les tous qui s'en vont là-bas. Vous leur avez répondu tout à fait comme il faut, dit Yves qui riait assez rarement. Mais je vais vous dire, moi, j'ai beaucoup rêvé là-dessus, encore cette nuit. Et savez-vous une peur qui me vient? C'est que ce soit une petite fille. En effet, quelle contrariété si ce filleul attendu allait être une petite fille. Il n'y aurait plus moyen de l'appeler Pierre. Cette parenté du petit enfant d'Yves avec les goélands n'était pas de mon invention. Goéland était le nom qu'on donnait aux gabiers à bord de cette Ariane, et le nom qu'ils se donnaient entre eux. Il n'y avait donc pas à s'étonner que mon petit filleul à venir dût avoir dans les veines un peu de ce sang d'oiseau. Aussi, en parlant de lui dans nos conversations du soir, nous disions toujours « Quand le petit Goéland sera arrivé ?» Jamais nous ne l'appelions d'une autre manière. Chapitre 42. Brest, 15 juin 1878. Nous habitons pour aujourd'hui un logis de hasard, rue de Siam à Brest, où l'Ariane est revenue mouillée ce matin. En réponse à l'avis de son arrivée, Yves a reçu de Toulven, du vieux Kérémenen, la dépêche suivante. Petit garçon né cette nuit, se porte très bien, Marie aussi. Corentin Kérémenen. La nuit venue et nous couchés, impossible de dormir. J'entendis Yves dans son lit qui se tourne, se vire, comme il dit avec son accent breton. À l'idée qu'il ira demain Toulven voir ce petit nouveau-né, son bon et brave cœur déborde toutes sortes de sentiments dans lesquels il ne se reconnaît plus. deux jours après lui, je dois, moi aussi, me rendre à Toulven pour le baptême. Et il fait mille projets pour cette cérémonie. Je n'ose pas vous dire, mais si vous vouliez, à Toulven, manger chez nous. Dame, vous savez, chez mon beau-père, ça n'est pas comme à la ville, bien sûr. Chapitre 43. Brest, 15 juin 1878. Dès le matin, je pars pour Toulven, où Yves m'attend depuis hier. Temps splendide. La vieille Bretagne est verte et fleurie. Tout le long du chemin, de grands bois, des rochers. Yves est là à l'arrivée de la diligence que j'ai prise à Banalec. Près de lui se tient une jeune fille de 18 ou 20 ans, qui rougit, bien jolie sous sa grande coiffe. « Voici Anne, me dit Yves, ma belle-sœur, la marraine. » Il y a encore une petite distance entre le bourg et la chaumière, qu'ils habitent à Trémelay, en Toulven. Les gars du village chargent mes mâles sur leurs épaules, et me voilà en route pour faire ma visite au goéland, qui vient de naître, pour faire connaissance aussi avec cette famille de bas-bretons, dans laquelle mon pauvre Yves est entré par coup de tête, sans trop savoir pourquoi. Comment seront-ils ces nouveaux parents de mon frère Yves, et ce pays qui va devenir le sien? Chapitre 44. Nous nous acheminons tous trois par des sentiers creux très profonds qui fuient devant nous sous le couvert des hêtres et qui sont tout pleins de fougères. C'est le soir, le ciel est couvert, et il fait dans ses chemins une espèce de nuit qui sent le chèvrefeuille. Ça et là sont rangés au bord des chaumières grises très antiques, tapissées de mousse. Il n'y en a une d'où part une chanson à dormir, chantée en cadence, lente par une voix très vieille aussi. « Boudoul, boudoul, galiachène, boudoul, boudoul, galiachdu. » C'est lui qu'on berce, dit Yves en souriant. « Voici chez nous. » Elle est à moitié enfouie et toute moussue, cette chaumière des vieux Kerbremenens. Les chênes et les hêtres étendent au-dessus leur voûte verte. Elle semble aussi ancienne que la terre des chemins. Au-dedans, il fait sombre. On voit les lits en forme d'armoire alignés, avec les bahuts le long du granit brut des murs. Une grand-mère, en large collerette blanche, est là qui chante, auprès du nouveau-né, qui chante un air du temps de son enfance, dans un berceau d'une mode bretonne d'autrefois, qui avant lui avait bercé ses ancêtres, et couché le petit goéland, un gros bébé de 3 jours, tout rond, tout noir, déjà basané comme un marin, et qui dort, les poings fermés sous son menton. Il a de tout petits cheveux qui sortent de son bonnet sur son front, comme des petits poils de souris. Je l'embrasse et de tout mon cœur, parce que c'est le bébé d'Yves. « Pauvre petit goéland, dis-je, en toussant le plus doucement possible ses petits cheveux de souris. Il n'a pas encore beaucoup de plumes. »« C'est vrai, dit Yves en riant. Et puis regardez, ajoute-t-il en étendant avec des précautions infinies, la petite patte fermée dans sa main rude. « Je ne l'ai pas très bien réussi. Il n'a pas du tout la peau d'entre-doigts. » On nous dit que Marie Kermadec est couchée dans un de ces lits dont on a refermé sur elle la petite porte de bois à jour, parce qu'elle vient de s'endormir. Nous baissons la voix de peur de l'éveiller, et nous sortons, Yves et moi, pour aller faire dans le village plusieurs démarches que nécessite la solennité de demain. Chapitre 45. Nous trouvons drôle de nous voir tous deux faisant acte de citoyens comme tout le monde. Chez monsieur le maire, chez monsieur le curé, nous nous sentons très empruntés, ayant même par instant des envies de rire. Petit goéland est définitivement inscrit au registre de Toulven sous les prénoms de Yves Pierre, celui de son père et le mien, comme c'est l'usage dans le pays. Quant à monsieur le curé, il est convenu avec lui qu'il nous attendra demain matin à 9 heures à l'église et qu'il y aura un tédéum. Maintenant rentrons tout droit, dit Yves. Le père doit être déjà de retour et nous les retarderions pour souper. Chapitre 46. La nuit de juin descendait doucement avec beaucoup de calme et de silence sur le pays breton. Dans le chemin creux, on commençait à ne plus y voir. Le vieux Corentin Kerémenen était de retour, en effet, de son travail au champ, et nous attendait sur sa porte. Même il y avait eu le temps de faire sa toilette. Il avait mis son grand chapeau à boucles d'argent et sa veste défaite en drap bleu, ornée de paillettes de métal et d'une broderie dans le dos, représentant le Saint-Sacrement. Il y a une agitation joyeuse dans cette chaumière, un air des grands jours. Les chandeliers de cuivre sont allumés sur la table, qui est recouverte d'une belle nappe. Les bahuts, les escabeaux, les vieilles boiseries de chêne reluisent comme des miroirs. On sent qu'Yves a passé par là. Ces chandeliers n'éclairent pas loin. Il y a dans cette chaumière des recoins noirs. On voit se mouvoir de grandes choses bien blanches, qui sont les coiffes à larges ailes et les collerettes plissées des femmes. Autrement, les fonds sont très obscurs. La lumière vient mourir en tremblotant sur le granit des murailles, sur les solives irrégulières et noircies par le temps, qui portent le chaume du toit. Toujours ce chaume et ce granit brut qui jettent encore dans les villages bretons une note de l'époque primitive. On apporte sur la table la bonne soupe qui fume, et nous nous asseyons à notre tour. Yves à ma gauche, Anne à ma droite. C'est un grand repas, plusieurs poulets à diverses sauces, des crêpes de sarrasin, des omelettes au lard et au sucre, du vin et du cidre doré qui moussent dans nos verres. Yves me dit à part tout bas, « C'est un très bon homme, mon beau-père, et ma belle-mère Marianne. Vous ne pouvez pas vous figurer quelle bonne femme elle est. J'aime beaucoup mon beau-père et ma belle-mère. » Dans la soirée, une jeune fille apporte du village des choses empesées de frais, très encombrantes. Anne se dépêche de serrer tout cela dans un bahut pendant qu'Yves m'envoie un coup d'œil d'intelligence disant « Vous voyez tous ces préparatifs en votre honneur ?» J'avais bien deviné ce que c'était, la coiffe de cérémonie et l'immense collerette brodée de 1000 plis qui doivent l'apparer pour la fête de demain matin. De mon côté, j'ai différents petits paquets que je désire faire sortir inaperçus de ma malle avec l'aide d'Yves, des bonbons, des dragées, une croix d'or pour la marraine. Mais Anne aussi a vu tout cela du coin de son œil et se met à rire. Tant pis, et on ne peut pas réussir à se faire des mystères dans un logis où il n'y a qu'une seule porte et qu'un seul appartement pour tout le monde. Petit Pierre, lui, toujours tout rond comme un bébé de bronze, continue de dormir dans la même pose, les poings fermés sous le menton. Jamais bébé naissant ne fut si beau ni si sage. Quand je prends congé de tous, Yves se lève aussi pour venir me conduire jusqu'au village, où je dois coucher à l'auberge. Dehors, dans le sentier creux, sous les branches, il fait absolument noir. On y est enveloppé d'une obscurité double, celle des grands arbres et celle de la nuit. C'est un genre de calme auquel nous ne sommes plus habitués, celui des bois. Et puis la mer n'est pas là. Ce pays de Toulven en est très éloigné. Nous écoutons. Il nous semble toujours que nous devons entendre dans le lointain son bruit familier. Mais non, c'est partout le silence. Rien que des frôlements à peine perceptibles dans l'épaisseur verte. Faible bruit d'ailes qui s'ouvrent, trémoussement léger d'oiseaux qui ont de petits rêves dans leur sommeil. On sent toujours les chèvrefeuilles. Mais avec la nuit, il est venu une fraîcheur pénétrante et des odeurs de mousse, de terre, d'humidité bretonne. Toutes ces campagnes qui dorment, toutes ces collines boisées qui nous entourent, tous ces sommeils d'arbres, toutes ces tranquillités nous oppressent. Nous nous sentons un peu des étrangers au milieu de tout cela. Et la mer nous manque, la mer qui est en somme le grand espace ouvert, le grand champ libre sur lequel nous nous sommes accoutumés à courir. Yves subit ces impressions et me les exprime d'une manière naïve, d'une manière à lui, qui n'est guère intelligible que pour moi. Au milieu de son bonheur, une inquiétude le trouble ce soir, presque un regret d'être venu étourdiment fixer sa destinée dans cette chaumière perdue. Et puis nous rencontrons un calvaire, qui tend dans l'obscurité ses deux bras gris, et nous songeons à toutes ces vieilles chapelles de granit qui sont posées çà et là autour de nous, isolées au milieu des bois de hêtres et dans lesquelles veillent des esprits de mort. Chapitre 47. Le lendemain, jeudi, 16 du mois de juin 1878, par un temps radieux, le cortège de baptême s'organise dans la chaumière des vieux Kéréménen. Anne, le dos tourné dans un coin, ajuste sa grande coiffe devant un miroir, un peu embarrassée d'être obligée de faire cela devant moi. Mais les chaumières de Bretagne ne sont pas grandes, et elles n'ont pas d'autre séparation au-devant que les petites armoires où l'on dort. Anne est vertue d'un costume de drap noir dont le corsage ouvert est brodé de soie de toutes couleurs et de paillettes d'argent. Elle porte un devantier de moire bleue, et débordant sur ses épaules, une collerette blanche à 1000 plis qui se tient rigide comme une fraise du XVIe siècle. Moi j'ai pris un uniforme aux dorures toute fraîche, et nous produirons certainement un bon effet tout à l'heure, nous donnant le bras dans le sentier vert. Auprès du petit enfant, il y a ce matin un nouveau personnage, une vieille très laide et très extraordinaire, qui fait son entendu et à qui on obéit. C'est la sage-femme, à ce qu'il paraît. Elle a l'air un peu sorcière, dit Anne, qui devine mon impression. Mais c'est une très bonne femme. Oh oui, une très bonne femme, appuie le vieux Corentin. C'est un air qu'elle a comme cela, monsieur, mais elle ne manque pas de religion, et même, elle a obtenu de grandes bénédictions l'an passé, au pèlerinage de Sainte-Anne. Cassée en deux comme Carabosse, un nez crochu en bec de chouette et des petits yeux gris bordés de rouge, qui clignotent très vite comme ceux des poules, elle va de droite et de gauche, affairée, avec sa grande collerette de cérémonie toute raide. Quand elle parle, sa voix surprend, comme un son de la nuit. On croirait entendre la hulotte des sépulcres. Yves et moi, nous n'aimions pas d'abord cette vieille auprès du nouveau-né. Mais nous songeons ensuite que depuis 50 ans, elle préside aux naissances des petits-enfants du pays de Toulven, sans avoir jamais porté malheur à aucun, bien au contraire. D'ailleurs, elle observe en conscience tous les rites anciens, tels que faire boire aux petits, avant le baptême, un certain vin dans lequel on a trempé l'anneau du mariage de sa mère, et plusieurs autres qui ne devraient jamais être négligés. On y voit juste autant qu'il faut dans cette chaumière, très enterrée et très à l'ombre. Le jour entre un peu par la porte. Au fond, il y a aussi une lucarne ménagée dans l'épaisseur du granit, mais les fougères l'ont envahie. On les voit par transparence, comme les fines découpures d'un rideau vert. Enfin, petit Pierre a terminé sa toilette, et sans pousser un cri. Je l'aurais mieux aimé en petit breton, mais non, il est tout en blanc, le fils d'Yves, avec une longue robe brodée et des nœuds de ruban, comme un petit monsieur de la ville. Il a l'air encore plus vigoureux et plus brun dans ce costume de poupée. Les pauvres petits bébés des villes, qui vont au baptême dans des toilettes pareilles, n'ont pas en général un sang si vivace et si fort. Par exemple, je suis forcé de reconnaître qu'il n'est pas encore bien joli. Il est probable que cela viendra plus tard. Mais pour le moment, il a un minois bouffi de petit chat naissant. Dehors, dans le sentier plein de fougères, sous la voûte verte, s'agitent déjà quelques grandes coiffes blanches de jeunes filles et des corsages de draps à broderie, comme celui d'Anne. Elles sont sorties des chaumières voisines et attendent pour nous voir passer. Bras dessous, Anne et moi, nous nous mettons en route. Petit Pierre prend les devants sur les bras de la vieille au nez d'oiseau, qui trotte vite et menu, avec un déhanchement bizarre, comme les vieilles fées. Et le grand Yves marche derrière nous, dans ses habits de mariage, très grave, un peu étonné d'être à pareille fête, un peu intimidé aussi de défiler tout seul, mais c'est la coutume. Par le beau matin de juin, nous descendons gaiement le sentier breton. Au-dessus de nos têtes, le couvert des chênes et des hêtres tamise des petits ronds de lumière qui tombent par milliers à travers la verdure, comme une pluie blanche. Des clématites pendent, mêlées aux chèvrefeuilles, et les oiseaux chantent sous la bienvenue au petit goéland qui fait sa première apparition au soleil. Nous voici dans Toulven, qui est presque une petite ville. Les bonnes gens sont sur leurs portes, et nous défilons tout le long de la grand-rue pour aller à l'église. Elle est très ancienne, cette église de Toulven. Elle s'élève toute grise dans le ciel bleu, avec sa haute flèche de granit à jour, que par places les lichens ont doré. Elle domine un grand étang immobile avec des nénuphars et une série de collines uniformément boisées, qui font par derrière un horizon sans âge. Tout autour, un antique enclos, c'est le cimetière. Des croix bordent la sainte allée. Elles sortent d'un tapis de fleurs, d'œillets, de giroflées, de blanches marguerites, et dans les recoins plus abandonnés, où tout le temps a nivelé les bosses de gazon, il y a des fleurs encore pour les morts, les silènes et les digitales des champs de Bretagne. La terre en est toute rose. Les tombes se pressent là, aux portes de l'église séculaire, comme un seuil mystérieux de l'éternité. Cette grande chose grise qui s'élève, cette flèche qui essaye de monter, il semble en effet que tout cela protège un peu contre le néant, en se dressant vers le ciel. Cela appelle et cela supplie, et c'est comme une éternelle prière immobilisée dans du granit. Et les pauvres tombes enfouies sous l'herbe attendent là, plus confiantes à ce seuil d'église, le son de la dernière trompette et des grandes voix de l'Apocalypse. Là aussi sans doute, quand moi je serai mort ou cassé par la vieillesse, là où couchera mon frère Yves, il rendra à la terre bretonne sa tête incrédule et son corps qu'il lui avait pris. Plus tard encore, il viendra dormir le petit Pierre, si la grande mère ne nous l'a pas gardé. Et sur leur tombe, les fleurs roses des champs de Bretagne, les digitales sauvages, l'herbe haute de juin, pousseront comme aujourd'hui, au beau soleil des étés. Sous le porche de l'église, il y avait tous les enfants du village, qui semblaient très recueillis. Monsieur le curé était là aussi, qui nous attendait dans ses habits de cérémonie. C'était un porche d'une architecture très primitive, et dont bien des générations bretonnes avaient usé les pierres. Il y avait des saints difformes, taillés dans le granit, qui étaient alignés comme des gnomes. La cérémonie fut longue à cette porte. La vieille à tête de chouette avait posé le petit Pierre dans nos mains, et nous le tenions à deux avec la marraine, comme le veut l'usage. elle du côté des pieds et moi du côté de la tête. Yves adossé au pilier de granit, nous regardait faire d'un air très rêveur. Et Anne était bien jolie sous ce porche gris, avec son beau costume et sa grande fraise, tout en lumière dans un rayon de soleil. Petit Pierre marqua une légère grimace et passa sur sa lèvre le bout de sa toute petite langue, d'un air mécontent quand on lui fit goûter le sel, emblème des amertumes de la vie. Monsieur le curé récita de longs orémus en latin, après quoi il dit dans la même langue au petit goéland « In credere petre in dominum domini » et alors nous entrâmes dans l'église. Des saintes qui étaient là dans des niches en costume du XVIe siècle regardaient Petit Pierre faire son entrée, de ce même air placide et mystique avec lequel elles ont vu naître et mourir 10 générations d'hommes. Sur les fronts baptismaux, ce fut encore fort long. Et puis il nous fallut faire station, Anne et moi, devant la grille du chœur, agenouillés comme de nouveaux époux. Enfin, je dus prendre à moi tout seul le fils d'Yves, que je tremblais de briser dans mes mains inhabiles, monter les marches de l'autel avec ce précieux petit fardeau, et lui faire embrasser la nappe blanche sur laquelle pose le Saint-Sacrement. Je me sentais très gauche en uniforme, j'avais l'air de porter un poids des plus lourds. Je ne m'imaginais pas que ce fût une chose si difficile de tenir un nouveau-né. Encore il était endormi. S'il eût été en mouvement, jamais je n'aurais pu réussir. Tous les enfants du village nous guettaient au départ, de petits gars bretons avec des mines effarouchées, des joues bien rondes et de longs cheveux. Les cloches sonnaient joyeusement en haut de l'antique flèche grise et le tédéum venait d'éclater derrière nous, entonné à pleine voix par des petits enfants de chœur en robe rouge et surplis blancs. On nous laissa passer, encore tranquille et recueilli, dans l'allée fleurie que bordaient les tombes. Mais après, quand nous fûmes dehors, Petit Pierre, cause de tout ce tapage, était parti devant, emporté de plus en plus vite par la vieille au nez crochu, et dormant toujours de son sommeil innocent. Anne et moi, nous étions assaillis, petits garçons et petites filles nous entouraient, avec des cris et des gambades. Il y en avait de ces petites qui avaient bien 5 ans, et qui portaient déjà de grandes collerettes et des grandes coiffes pareilles à celles de leur mère, et elles sautaient autour de nous comme des petites poupées très comiques. C'était singulier la joie de ce petit monde breton, rose avec de longs cheveux de soie jaune, à peine éclos à la vie, et déjà dans des costumes et des modes du vieux temps, exubérant d'une joie inconsciente, comme autrefois leurs ancêtres, et ils sont morts. Joie de la vie toute neuve, joie comme en ont les petits chats, les cabris, et après 10 ans ils meurent, les petits chiens, les petits moutons, ont de ces joies et font des sauts d'enfants, et cela passe et on les tue. Nous leur jetions des poignées de dragées, et toute autre route était semée de bonbons. On se souviendra longtemps dans toute veine de ce baptême du petit goéland. Après, nous retrouvâmes le calme du sentier breton, la longue allée verte, et au bout, le hameau sauvage. Il était maintenant près de midi. Les papillons et les mouches volaient par bandes le long du chemin. Il faisait très chaud pour un temps de Bretagne. En plein jour, c'était un vrai jardin que ce toit de chaume des vieux Kéréménen. Une quantité de petites fleurs, blanches, jaunes, roses, s'y étaient installées en compagnie d'une grande variété de fougères, et le soleil s'éparpillait dessus, toujours tamisé par les chênes. Au-dedans, il faisait encore frais, dans le demi-jour un peu vert, sous la voûte basse et noire des vieilles solives. Le dîner était prêt sur la table, et la femme d'Yves, qui s'était levée pour la première fois, nous attendait, assise à sa place, dans ses beaux habits de fête. En quelques jours, sa jeunesse s'était envolée. Elle était pâle et maigrie. Yves la regarda avec un air de surprise déçue qu'elle put voir. Puis, comprenant que c'était mal, il alla l'embrasser avec affection, un peu en grand seigneur. Et moi, j'augurais de tristes choses dans cette entrevue de désenchantement. Toutefois, ce dîner de baptême fut gai. Il se composait d'un grand nombre de plats bretons et dura fort longtemps. Au dessert, on entendit dehors marmotter très vite à 2 voix, en langue de Basse-Bretagne, des espèces de litanies. C'étaient 2 vieilles, 2 pauvresses, qui se donnaient le bras, appuyées sur des bâtons, comme le font les fées quand elles prennent forme caduque pour n'être pas reconnues. Elles demandèrent à entrer, étant venues pour dire la bonne aventure au petit Pierre. Sur son berceau de chêne, où on le balançait doucement, elles firent des prédictions très heureuses, et puis se retirèrent en bénissant tout le monde. Alors on leur remit de grosses aumônes, et Anne leur fit des tartines beurrées.